10h sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Per te m'accendo, te non tradimi, amore. Pierre Giraud, avant de faire une thèse qui s'intitule « Les mutations du ténor romantique », vous venez des maths. C'est exact. J'ai commencé, je me suis laissé entraîner par mes professeurs à faire une prépa scientifique après le baccalauréat. Et c'était aussi le moment où je venais de muer. Donc mon rapport à la musique, au chant, était un peu amputé de son médium principal. D'accord. Et ça voulait dire de se réorienter en fonction de la mue ? Ça voulait dire que j'avais devant moi peut-être 2-3 ans où de toute façon j'avais du mal à m'adonner vraiment à mon art et où je pouvais envisager autre chose. Alors il y avait par exemple un professeur de physique qui avait vraiment l'ambition pour moi de passer l'agrégation, de donner 16 ou 8 heures de cours par semaine et d'avoir tout le reste du temps libre. Pour faire, lui était organiste évidemment, ça correspondait pas mal à sa pratique. Donc il projetait sur votre destin la double vie que lui-même avait organisée. Voilà, ça l'inquiétait beaucoup que je n'ai pas, disons que je n'utilise pas mes aptitudes à me construire cette stabilité. Alors si on prend le temps de détailler ça, c'est qu'il se trouve que dans votre façon de travailler l'histoire du ténor romantique, vous assumez le bagage de la formation scientifique, mathématique et physique que vous avez pu avoir. Absolument. Autant cette formation, disons, les matières abordées m'intéressaient véritablement, et je pense que si j'étais allé en fac de maths, j'y serais toujours, autant je me suis rendu compte qu'on pouvait, si vous voulez, me voler mes deux bras et mes deux jambes sans que je m'en aperçoive si je faisais des mathématiques, alors qu'en m'intéressant à la musique, j'avais l'opportunité tout de même d'une pratique plus complète. Et ça, c'est un peu ce qui m'a ramené à mes premiers amours. J'en ai gardé effectivement toute une formation autour de la preuve, et autour de ce qu'on appelle la quantification. Ce sont toutes des notions qu'on n'aborde pas dans le secondaire aujourd'hui et qui pourtant sont très utiles à l'historien. Je me suis très vite intéressé d'abord à la musique ancienne en fait et à l'historiographie, à mettre en série des études faites depuis 20, depuis 30, depuis parfois 80 ans sur les mêmes sujets. Et véritablement, ça a été le début d'un travail personnel et d'une imprégnation en partant des sources et en s'intéressant à la méthode et aux failles dans les approches que pouvaient en avoir mes prédécesseurs. Quelle misère au corps, la saute à l'aura, Lardore che per maggior Vous avez commencé ce travail à peu près à l'époque aussi où on commençait autour de Nicole Scotto di Carlo à parler d'une nouvelle discipline qui s'appelle l'odologie. Alors c'est très juste, j'ai pris contact d'ailleurs avec Nicole Scotto di Carlo quand j'étais au lycée encore. Alors là je chantais en tant qu'enfant et elle m'avait dit tout de suite, enfin elle m'avait écrit plutôt puisque c'était par courriel, ne venez pas faire ça, c'est une voie sans issue, je n'accepte plus de tes arts, je me suis formé moi-même, si vous voulez aller dans cette direction, faites d'abord phoniatre, vous aurez l'autorité de pouvoir mener ces recherches tranquillement. C'est quoi l'odologie ? Alors l'odologie, ce qu'elle avait inventé, c'est peut-être encore pour quelque temps, une approche scientifique de la voix chantée. Mais alors, c'est-à-dire pas seulement de la phonation, c'est-à-dire se poser beaucoup de questions sur le contexte, l'interaction entre l'esthétique vocale et la physiologie. C'est-à-dire tous les paramètres complètement physiologiques qui interviennent dans le chant. Alors oui, mais aussi, c'est-à-dire qu'elle n'était pas loin d'avoir une... Pour elle, c'était une perspective selon les différentes esthétiques, je crois, mais on n'était pas loin d'une perspective historique, puisque aucun des paramètres n'était jugé a priori bon, ou alors aucun paramètre n'était jugé conforme. C'est-à-dire que la voix chantée en tant que voix lyrique, par exemple, était une chose tout à fait construite dont elle pouvait disséquer les différents paramètres. Et qu'est-ce qui vous attirait là-dedans, justement, parce que vous aviez ce goût quantitativiste qui se trouvait potentiellement comblé par les calculs que vous promettez, la pratique de l'odologie ? Alors, je pense pas, c'était pas une idée de me former au chant par l'odologie, mais j'écoutais déjà beaucoup de musique, et beaucoup de musique vocale, avec une grande envie de copier parfois, mais aussi de comprendre le geste, la manière dont le musicien, quel chanteur, comprenait sa ligne vocale et lui donnait forme avec des gestes qui sont tout à fait physiques. Et ça, c'était quelque chose qu'étudiait justement l'odologie. Et qu'est-ce qui a fait alors que vous vous êtes concentré sur le ténor romantique, c'est-à-dire sur le 19e siècle, c'est-à-dire sur l'âge d'or de la quantification ? Alors, je suis venu au 19e siècle pour plusieurs raisons. Une qui est tout à fait fortuite, je crois. Mes premières recherches en tant qu'analyste musicologue portaient sur les quatuors de Ropartz, donc rien à voir. Et puis, dans la classe de Rémy Campos, j'ai voulu m'intéresser à la musique de scène. Thank you. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Donc votre tessiture vous avait amené vers un répertoire ancien et vos préoccupations théoriques commençaient à se cibler sur le 19e. Voilà, moi je venais vraiment de la musique vocale, de la musique chorale, je veux dire, en tant que chanteur adulte. Et je n'avais pas accès. Pour moi, le monde était centré sur Mozart. Il y avait avant Mozart, après Mozart, puisque vocalement comme enfant, c'était ça mon répertoire de cible dans lequel j'étais né à la musique, on pourrait dire. Le 19e, donc, était déjà quelque chose qui ne m'apparaissait pas comme poussiéreux, parce que c'était moderne par rapport à Mozart. Alors, je n'avais pas d'a priori. Je m'intéressais à ce moment-là à la musique d'Hervé, et c'était vraiment pour être sur des œuvres qu'on créait assez vite, avec le compositeur qui était impliqué dans la création, peut-être des équipes assez réduites, et la production de musique pour arranger la scène. Il fallait rajouter 4 mesures, on les composait sur le champ. Déjà une musique qui était une musique qui s'intéressait beaucoup à l'effet scénique et toute la composition au service de cet effet scénique. Qui était en dialogue en fait avec son dramatisme et qui s'en préoccupait de façon explicite. Oui, tout à fait, et aussi très pragmatique. On a besoin de faire une sortie un peu plus longue, il faut écrire de la musique en plus. Alors je n'ai pas trouvé tout de suite un matériel suffisamment conséquent pour écrire sur le sujet, mais ça m'a amené à comparer des partitions et à travailler vraiment sur l'opéra bouffe et la manière dont l'opéra bouffe est une parodie de l'opéra normal, du grand opéra. Ça, c'était une piste vraiment intéressante parce que ça m'a amené petit à petit, donc en partant des considérations de la scénographie, de se rendre compte qu'un décor ressemble à un décor qu'on a déjà vu à l'opéra quand on va sur un théâtre du boulevard, et aussi qu'il y a évidemment des thèmes musicaux qui sont empruntés. Et finalement, je me suis rendu compte que de la part d'Hervé notamment, qui était chanteur lui-même et qui avait chanté quelques rôles du grand répertoire dans des salles en province, il y avait une connaissance justement de ce geste vocal dont je parlais tout à l'heure, du geste vocal associé au grand opéra, qui lui-même était parodié. Et là, je me suis trouvé face à une situation un peu bloquée. Si je ne pouvais pas avoir une compréhension assez fine de comment l'on chantait à l'opéra dans les années 1850, il n'était pas possible d'aller plus loin dans l'étude de la parodie du bouffe au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le référent. Et ce référent ne faisait d'abord pas partie de mes recherches. Et ensuite, disons, personne n'avait fait cette recherche. C'est là que j'ai commencé à collaborer avec Charlotte Loriot, donc une collègue au CNSM en classe d'histoire, qui, elle, voulait travailler sur les interprètes de Berlioz et leur jeu scénique. Alors nous sommes partis dans les classes de chant du conservatoire pour proposer des expérimentations autour de petits opéras comiques, elle assumant la partie direction d'acteur, mais dans une perspective à ce moment-là vraiment de laboratoire, de reconstitution de certains gestes, en partant si possible de l'intention, le plus possible de l'intention théâtrale et non pas forcément du geste extérieur. Et moi, je conduisais donc le même travail en partant des méthodes de chant. C'était vraiment notre matériau de départ. Et petit à petit, en comprenant comment on pouvait les utiliser, qu'est-ce que cela sous-entendait comme conception de la voix et quel réflexe avait un chanteur au conservatoire, par exemple, justement un élève, mais 150 ans plus tôt, quand il lisait la partition. Qu'est-ce que spontanément il allait proposer musicalement. Et ça, c'était vraiment le départ de notre travail. Ensuite, on a contribué à la fondation d'une compagnie qui existe toujours, les Frivolités Parisiennes. Et j'ai pu poursuivre cette démarche, cette réflexion sur ce qu'on peut demander, comment on doit lire différemment la partition en fonction de son style, de son époque et du projet d'interprétation qu'on a avec cette partition. Thank you. Comment est-ce que vous avez fait, parce qu'on a décrit tout à l'heure vos envies de comptage, de mesure, enfin tout cette espèce de cadre quantitativiste qui a fait votre intérêt par exemple pour l'odologie. Comment est-ce que vous avez fait pour remanier votre questionnement, puis l'élargir, puis en venir à dire finalement que vous seriez presque un archéologue du champ romantique? Alors l'aspect peut-être... Disons, l'approche scientifique, c'est surtout, je crois, de ne pas penser qu'on a une approche scientifique tant qu'elle n'est pas satisfaisante. Et en fait, on ne l'atteint peut-être jamais. C'est-à-dire que ma formation m'amène surtout à remettre en doute mes idées. Les idées trop simples ne sont pas concluantes artistiquement. Et ça, on s'en rend compte par la pratique, bien sûr. C'est nécessaire de passer par là, la pratique personnelle et puis la pratique avec l'autre, puisque dans le cas du chant, c'est là qu'on l'entend le mieux. C'est aussi... Je pose la question autrement, ouais. En fait. Comment est-ce que vous avez délimité le répertoire qui allait vous permettre de répondre au mieux à ces questions ? Parce que vous vous êtes centré sur la figure de Dupré. Alors, le cas de Dupré m'a été soumis directement par mon professeur. C'est-à-dire qu'il m'a dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire de biographique sur Dupré, l'invention du Contrut. Et ça, je pense qu'il a eu le nez creux sur cette histoire-là, et que ma proposition en face a été assez surprenante pour lui. Il m'avait bien suivi dans cette recherche. J'avais l'idée préconçue que le biographisme, menait à une... disons, apporter réellement quelque chose au travail de l'historien. Peut-être qu'à cette époque-là, j'étais assez réfractaire à ce qu'on appelle l'esthétique, à des approches où la réflexion du chercheur tient beaucoup de place, et le travail sur les sources paraît un peu secondaire, ou du moins n'a pas besoin d'être novateur. Dans le travail biographique, c'est sûr qu'on a à établir presque tout. Généralement, on remet en cause les biographies existantes, on va voir les sources, on se demande quand est née la personne, où exactement, on essaie de reconstituer beaucoup de choses factuelles. Et de travailler sur Dupré comme ça m'a effectivement ouvert des horizons importants, notamment parce que Dupré est chanteur, bien sûr, mais est compositeur aussi, et puis est professeur. Et donc j'ai pu entrevoir la globalité de son expérience, des répertoires qu'il a interprétés ou qu'il a, dans lesquels il a produit des œuvres. Et c'est cette cohérence du chant au XIXe siècle que j'ai perçue à travers lui, qui était effectivement une figure très intéressante et pour laquelle l'historiographie était complètement à refaire. Et cette histoire d'invention du Contrut, c'est quelque chose de plutôt scénique dans son activité ou de pédagogique ? Alors, au XXe siècle, c'est ce qu'il en reste comme légende. Alors j'ai montré qu'il y avait eu un petit retournement de situation, finalement, pratiquement à sa mort. De son vivant, l'invention du Contrut, c'est plutôt l'invention d'une manière d'être viril, d'une part, et puis aussi héroïque dans la voix. Et ça, j'ai un petit peu montré dans ma thèse que, avant cette époque-là, que j'ai appelée l'époque de Gilbert Dupré, de fait, le... Là, on parle de l'exact milieu du 19e siècle. Oui, c'est-à-dire avant 1840. Avant 1840, le chanteur qui enseigne est en proie à une émotion violente. Eh bien, l'orchestre va exprimer cette violence. Mais pas le chanteur. Le chœur peut exprimer la violence. Mais le chanteur va expliquer la violence en restant dans son emploi vocal. Si c'est un ténor léger, un ténor de grâce... Eh bien, il va reprendre la parole tout de suite après l'accord. Vous avez un exemple ? Comme dans La Dame Blanche, par exemple. D'accord. Au moment de la révélation de La Dame Blanche. Stupeur. Et le chanteur reprend la parole avec son thème, avec sa même vocalité que précédemment. Tandis que progressivement, et notamment ça arrive petit à petit à l'opéra comique, où c'est plus difficile à accepter, les ténors, mais toutes les autres voix avec eux, évidemment, vont avoir accès à une vaillance nouvelle. Et c'est ça le Contrut de Dupré, c'est l'exclamation, le cri chanté, long, puissant, fort. Ça, c'est une vraie innovation dans le chant lyrique au 19e siècle, et ça se passe en France. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Alors il faut se mettre dans le contexte que les années 1840 sont celles d'une foison de méthodes françaises, les premières, à ce degré-là, qui sont un peu toutes décalquées bien sûr sur la méthode du conservatoire, qui est au tout début du 19e siècle. Et l'idée dans la pédagogie n'est pas d'inventer la poudre, c'est de la réexprimer un petit peu mieux en la complétant de la part d'auteurs qui font autorité. Mais non, il n'est pas encore à ce moment-là question de s'imposer par des idées nouvelles. Donc du pré-transmet, ce qui a été sa formation et celle qu'il donne à ses élèves, sans aucune prétention, si ce n'est peut-être de connaître beaucoup de musique. Mais ça, ça le ramène plutôt à sa formation chez Choron. Il propose, dans une deuxième partie de sa méthode, la mélodie de la musique baroque, de la musique même médiévale. Hein, il va jusqu'à Thibaut de Champagne. Donc ça, c'est une culture qui relève plus de celle du compositeur et qui peut-être, nous aujourd'hui, nous intéresse moins dans la perspective de l'évolution du chant au XIXe siècle. Alors il y a une autre figure que vous suivez et qui va comme inaugurer justement un nouveau rapport entre le discours technique qu'on peut avoir sur le chant quand on est musicien et les constatations physiologiques que l'on peut faire. C'est Manuel Garcia Fils qui, parmi ses élèves, se trouvait avoir un médecin, Charles Bataille. Alors c'est un cas qui est effectivement très intéressant, d'abord parce que les gens connaissent encore ce nom-là et le connaissent plus volontiers comme professeur. Alors, si Dupré est connu comme chanteur, j'ai montré que c'était un professeur influent, en tout cas quelqu'un de très influent pour l'enseignement. Garcia, lui, n'a fait qu'une toute petite carrière, proportionnellement, alors que son père, Manuel Garcia Père, lui, était un très grand chanteur et compositeur, et a formé, somme toute, relativement peu d'élèves en nombre. La connaissance qu'on a de Garcia Fils aujourd'hui, disons le discours habituel, c'est effectivement de penser qu'il était très scientiste, parce qu'il s'est posé ces questions. C'est lié notamment à une expérience qu'il a eue très jeune lors de son service militaire dans les hôpitaux. Toute la question, c'est de savoir si Garcia, puisqu'il représente à travers lui, hein, on veut parler de tous les chanteurs du 19e siècle, est-ce que Garcia pensait que l'étude scientifique et surtout physiologique de la voix devait amener un meilleur chant, une meilleure formation au chanteur. Et ça, c'est un vrai débat, parce que autant avoir un discours théorique, ça devient rapidement une mode, autant beaucoup de chanteurs s'expriment à l'époque pour dire, et s'expriment toujours aujourd'hui, pour dire que ce n'est pas en disséquant le larynx qu'on apprend à chanter. Et puis il y a même des questions entre les différentes éditions de la méthode de Garcia et sa correspondance, donc là sur Garcia Fils, est-ce que quelque part il ne reviendrait pas complètement de cette recherche? Est-ce qu'il ne réévalue pas sur la fin de sa vie l'intérêt de ce travail dans un objectif qui n'est pas seulement et qui n'est pas vraiment un objectif de connaissance, mais qui doit être un objectif de formation, un objectif pratique pour servir la musique et pour servir les chanteurs. La réponse, il n'y en a pas qu'une, mais il est certain que ce ne sont pas les gens que l'on cite le plus qui s'intéressent vraiment le plus à la physiologie dans une perspective d'enseignement. Garcia, par exemple, l'intérêt de la méthode qu'il publie, qui est surtout le legs de son père, c'est peut-être bien davantage les pages dans lesquelles on retrouve de l'ornementation, des changements, c'est-à-dire comment lire une partition. Voilà la partition telle qu'éditée, et juste en dessous, voilà la partition telle que l'a chantée mon père, telle que, évidemment, il faut la chanter, puisque c'était... Mais ça veut dire que c'est une tradition. L'interprétation est de plus en plus de la réécriture. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle est de plus en plus expliquée et notée dans les méthodes. Mais c'est une vraie difficulté. Justement, vous demandiez tout à l'heure comment arrêter la période sur laquelle on travaille pour montrer un phénomène et donc pour en faire finalement une étude qui se tienne dans le cadre de la thèse de doctorat. C'est la première difficulté, c'est qu'on s'exprime sur les choses a posteriori. Alors parfois, c'est complètement apocryphe. Ce que peut penser un professeur de chant en 1910 de Dupré, c'est souvent vraiment de la récupération. Mais d'autres fois, on a le fils d'un chanteur célèbre qui est parti, comme Louis de la Carrière, par exemple, aux États-Unis, au Québec, très tôt dans sa carrière, on a son fils qui publie ou qui a couché par écrit des éléments d'une méthode de chant, et on retrouve là, tout d'un coup, pour la première fois, quelques termes très courants dans toutes les méthodes du XIXe siècle qui sont vraiment expliqués. Peut-être que la notion a légèrement évolué, mais on a beaucoup plus de précision. C'est vrai dans les partitions, évidemment, mais c'est vrai aussi dans tout le discours que moi je fais tourner autour des partitions et que je cherche à mettre en relation. Ce sont les méthodes, mais ce sont aussi beaucoup de traités ou de discours plutôt théoriques qu'on va trouver soit dans la presse, soit dans des correspondances privées. Mais quand on rentre dans le texte, on s'aperçoit que tous ces ténors eux-mêmes sont en train d'arbitrer ce que c'est que d'avoir un discours technique sur le chant. Si on prend une citation par exemple de ce Manuel Garcia Fils, on lit « Les timbres font si essentiellement partie du discours, ils sont la condition si vraie d'un sentiment sincère qu'on ne saurait en négliger le choix sans tomber infailliblement dans le faux. » C'est comme si il fallait effectivement arbitrer la part de confiance que l'on met dans la physionomie avant que d'en avoir une délibération en termes de prescription de ce qu'il faut faire. Oui, c'est-à-dire que la conception de l'instrument est assez différente. À la fois, dès la formation, on s'intéresse plutôt aux résultats qu'aux moyens de l'obtenir. Mmh. C'est-à-dire qu'on va travailler son souffle plutôt à partir d'exercices de crescendo et de decrescendo, hein, c'est-à-dire un son filé. Si vous êtes capable de le faire bien, c'est que vous avez trouvé votre système. Cette part-là est plus importante, apparemment, que l'enseignement à partir de la physiologie et du ressenti de perceptif interne qui serait guidé par le professeur en des termes médicaux. Ça, c'est une chose. Et donc, je me rapproche de votre question. Pour ce qui est... La question, c'est finalement le rapport entre la pratique et sa formalisation et comment, moment d'élaborer un discours prescriptif, on doit se mettre en règle avec la part de physionomisme qu'on voudrait bien accueillir dedans. De la même manière, la notion du timbre expressif qu'on retrouve bien après la période que j'étudie, à cette époque-là, un sens presque, j'ai envie de le rapporter à l'orgue en tant qu'instrument. C'est-à-dire que le timbre, c'est je tire un jeu ou pas. La voix se travaille comme un instrument qui a plusieurs timbres, plusieurs possibilités. Et donc, toute une partie du travail interprétatif, c'est de choisir parmi les ornements qu'on a travaillés séparément, parmi les couleurs qu'on a travaillées également, peut-être dans des exercices. Et on trouve donc effectivement, quelquefois, des explications extrêmement détaillées, précises, avec des codes que cherchent à inventer certains pédagogues, surtout pour le mettre par écrit. Et ça peut être voix sombre, mais voyelle claire. Ça peut être, il y a le cas dans la méthode d'El Lessédier, par exemple. Vraiment, ce sur quoi je travaille en ce moment. Il faut vraiment déjà une très bonne compréhension du contexte, évidemment, pour pouvoir aborder des sources qui donnent des informations très nombreuses. Recueille vos prières, la paix du ciel m'effraie. Sois toujours avec moi. Venez à moi, mes bras. Respectable, vous aussi mes enfants, à vos vœux favorables, je puis tout accorder. Parlez, tous vos souhaits seront comblés. Seigneur, Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Ça veut dire que les pédagogues se mettent tellement à écrire sur la bonne manière de chanter et à écrire, y compris sur les partitions, que les compositeurs eux-mêmes se mettent à être de plus en plus précis dans leurs instructions vocales au moment d'écrire une partition d'opéra. C'est vrai qu'il y a une progression de la notation. On dit souvent que Rossini écrit de plus en plus de choses. Ça ne veut pas, certainement pas dire qu'il faut chanter ce qu'il a écrit, mais... Ah bon ? Effectivement. Ah oui, Je prends dans la thèse le cas de Nourri, ce réemparant donc d'un air qui était dans le Voyage à Reims pour le Contori. Et la partition présente exactement la même ligne vocale que dans le Contori, que dans le Voyage à Reims, alors que c'était pour un soprano et là c'est pour un ténor. Donc j'ai trouvé des partitions à noter, ça c'est une source très précieuse, dans les 10 années qui suivent, et dans lesquelles on s'aperçoit qu'évidemment, tous les traits qui sont conjoints ont été transformés en traits arpégés, ce qui permet beaucoup plus facilement de changer de registre justement pour le ténor, alors que le problème ne se posait pas pour le soprano. Mais ça, on n'aura jamais pris la peine de l'indiquer dans la partition. Donc il faut vraiment se méfier du travail. À la fois, il est nécessaire d'aller dans les partitions pour regarder chaque fois qu'on a une indication comme celle que propose Massenet, par exemple, qui sont extrêmement précises, qui sont des questions presque de direction d'acteur et qui nous permettent effectivement de réussir à faire tous les signes, toutes les informations convergent vers une interprétation très très directive, et à la fois parfois des signes curieux. On ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, à cet endroit-là, il y a écrit diminuendo alors qu'il n'y a rien depuis 3 systèmes. On ne le comprend pas tant qu'on ne s'est pas aperçu que le chanteur lambda, étant donné sa formation, voudra faire un crescendo à cet endroit-là, et qu'on va donc lui mettre une information pour lui dire attention, ce n'est pas comme d'habitude. Donc il y a tout un travail à faire qui est dans les partitions, et où on accepte que la partition soit, disons, le reflet exact d'une pratique. Et puis il y a tout un moment où on est obligé de la remettre en question, parce qu'on se rend compte que personne ne chante ce qui est dans la partition, que peut-être il n'y a pas de rapport exact et d'équivalence vraiment entre ce qu'on aura chanté sur scène, même à la création, et ce que l'on va trouver dans la partition. C'est une question d'échelle, et c'est ce qui demande vraiment beaucoup d'années, je trouve, de réflexion et d'imprégnation pour pouvoir, avec une certaine virtuosité, voltiger comme ça d'une approche à l'autre, en se trompant le moins possible, en essayant de ne pas émettre des hypothèses farfelues. Et c'est aussi là la limite de la quantification. Quand j'aborde des partitions que j'espace de 15 ans en 15 ans et que je fais presque un travail quantitatif, c'est-à-dire que je pourrais presque dire, bah, remarquez, la tessiture a augmenté puisqu'il y aurait tant de pourcents de notes au-dessus de ré et tant de pourcents en dessous. J'avais même songé à faire certains diagrammes comme cela. Mais c'est un peu vain. C'est un peu vain d'abord parce qu'on n'est pas sûr que les gens aient chanté les notes écrites. Ah oui, donc la note médiane ne serait que théorique. Alors voilà, ça reste vraiment un rapport assez détaché de la partition. Et puis d'autre part, parce que le choix que je suis obligé de faire, de dire, d'après ma lecture de la partition, ce chanteur devait passer en voix de tête sur telle note, parce que très souvent, j'ai des motifs et des phrases entières qui sont écrites au-dessus et des motifs qui sont écrits en dessous. Et on voit bien qu'on fait attention à ne pas trop traverser. Alors, ça, c'est une lecture qui, déjà, est assez personnelle. Disons, en tout cas, même si c'est l'application d'un savoir, c'est quand même une analyse subjective. Et puis, souvent, elle est même liée à une dramaturgie. C'est-à-dire que j'imagine que le chanteur aura voulu faire ça pour tel effet, parce que c'est comme ça que je comprends, moi, le personnage. Donc, ça reste sujet à caution. Il y a des cas limites ? Il y a des cas limites, bien sûr. Donc j'essaie évidemment, quand j'en présente un cas, de m'attacher aux cas les plus évidents. Ceux qui seront soit les moins discutables, soit ceux dont on pourra discuter avec le plus d'arguments possible. Par lesquels ? Alors, je prends par exemple certaines représentations pour lesquelles j'ai tout un faisceau de critiques qui vont écrire le lendemain. Alors c'est soit pour les créations, soit même plus intéressant souvent parce que la partition est déjà connue. Pour des grandes reprises, on va trouver dans la presse plusieurs critiques musicaux professionnels qui vont avoir décrit très précisément comment telle phrase célèbre a été chantée. Alors, il reste une marge d'incertitude. Chacun a son vocabulaire propre. On peut discuter, mais on a beaucoup d'éléments. Pour quels opéras on trouve ça ? Alors, j'ai pris par exemple le cas d'une reprise du Pré au Clair, au début d'Hérold. D'Hérold, tout à fait, au début du Second Empire, où on se rend compte qu'il y a un cran de plus en vaillance. Et de travailler sur cet exemple-là permet rétrospectivement de travailler sur beaucoup d'exemples plus tôt, où vraisemblablement cet événement n'avait pas eu lieu. Donc si on le remarque à cette date-là, ça veut dire qu'avant, personne n'avait franchi une certaine limite en termes de vaillance dans certains airs célèbres. Alors, il y a aussi une composante nationale à ce débat-là, puisque là, on parle essentiellement de chants français et que toutes les considérations subissent des transformations assez profondes chaque fois qu'on essaie de les transposer en face. Vous citez Gustave Roger qui, en 1880, a écrit que les chanteurs allemands, plus encore que les nôtres, depuis Dupré, ont tout subordonné à la voix, non dans la variété intelligente de ses timbres, mais dans la puissance uniforme de son émission. C'est-à-dire que ce que vous expliquez sur, on pourrait dire, la force de l'envoi est un phénomène spécifiquement français ? Non, quand même pas. Alors, j'ai vraiment cherché à circonscrire le propos pour qu'il reste valable et qu'on puisse ne pas trop m'accuser de, disons, de privilégier ce qui pourrait servir mon argumentaire. J'ai donc exclu, déjà si on est à Paris, le chant italien. Non pas que les mêmes tendances ne puissent pas s'y retrouver, d'une part parce qu'on est dans les mêmes villes, d'autre part parce que c'est souvent avec les mêmes compositeurs pour les créations. Voire les mêmes interprètes. Exactement, parce que certains interprètes vont dans un monde et dans l'autre. Le problème, c'est plutôt la tradition. C'est-à-dire que, de la même manière que si on chante Blanche-Neige aujourd'hui, Un jour mon prince viendra, on est toujours dans l'imitation de la manière dont ça a été chanté en 1930. Eh bien, sur un air donné et dans une sphère culturelle donnée, on ne modifie pas volontiers la tradition, la compréhension, c'est-à-dire le tempo et aussi la manière de chanter un air. Ça va avec, ça fait partie du style de l'œuvre telle que le public l'attend. De fait, c'était possible de restreindre au chant français. Alors, ensuite, que se passe-t-il en Allemagne ? C'est une vraie question. Il y a là aussi des méthodes, quelques sources à étudier. Il y a évidemment les gens qui font des voyages. C'est la seule manière dont on parle de l'Allemagne, évidemment, dans mon travail. Par manque de temps, et puis parce que il faut étudier une chose bien, déjà. Ce serait quelque chose à faire, évidemment, autour du cas de Meyerbeer, puisqu'il y a des ouvrages qui sont créés, repris, transformés entre les deux nationalités, hein, les deux langues. Le poète chantait et sa lampe fidèle s'éteignait par degrés. Qu'il fut rapide, mon destin, brise-toi, ma lune chérie, tu ne survivras point à mon dernier sommeil, et tes hymnes seront la vie, sous la tombe avec moi. Où la postérité d'une flexible voix juge les barres de la terre comme l'Égypte au bord de son lac solitaire juge les ombres de ses rois. Compagnons dispersés triste voyage Salire fidèle si s'appa tout à coup de sa débile sa lampe Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Vous citez le cas de l'album Mazel qui parodie l'œuvre de Schubert, ou du moins on peut le supposer. On y trouve par exemple Marie la Faucheuse qui pourrait être un clin d'œil à la Belle Meunière. Ah oui, alors il y a l'influence de Schubert, Schumann. Ça, c'est une chose que j'ai... Dont on trouve des traces dans l'œuvre française, même si on reste bien intramuros à Paris. C'est très, très difficile d'aborder ces questions-là, parce qu'il y a un abondant discours critique déjà au XIXe siècle. Et puis il y a évidemment toute la connaissance qu'on a du répertoire schubertien, par exemple, aujourd'hui. Et donc vous pensez qu'elle biaise rapport qu'on a déjà aux... Il y a une question de la conception qu'on a du piano schubertien et de la manière dont Schubert se chante. Et on a beaucoup de mal à se départir de cette culture auditive. Donc il faut pouvoir imaginer comment Schubert était interprété à l'époque. Puis ensuite, il faut imaginer comment Schubert pouvait être lu en France, sachant que globalement, en plus, on le donnait en traduction systématiquement. C'est vraiment très, très délicat de comprendre quelle influence il a pu avoir. Alors, il faut se rendre compte quelles sont les œuvres qui étaient jouées, puisque ce n'était pas la Belle-Meunière en entier, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu une invention de Jules Stockhausen, un chanteur français, et Clara Schumann, qui donnait des récitals. Avant, a priori, ça ne se faisait pas, et ça ne se faisait pas en France, notamment. Donc c'est très très délicat. À la fois, déjà au XIXe siècle, on écrit qu'il y a une influence de Schubert, que la mélodie se construit en référence à Schubert et se revendique de Schubert. Mais dès qu'on veut gratter un petit peu, c'est très difficile d'être clair. Et puis c'est difficile aussi d'aller contre un amour de Schubert, que je partage d'ailleurs, et une envie de voir partout. Des qualités. Non, mais de voir des qualités là-dedans, de ne voir Schubert qu'à travers des qualités qui sont réelles dans sa musique, mais qui sont beaucoup ce que nous mettons dans sa musique, qui sont l'analyse que nous avons de Schubert. Et si on l'analyse aussi finement, et si on trouve son piano tellement intelligent et sa prosodie tellement subtile parfois... c'est notre travail, ce n'est pas la partition qui nous offre ça. Alors, si on va aussi loin dans d'autres répertoires moins connus, est-ce qu'on peut le trouver? Ou est-ce qu'on peut se rendre compte que peut-être Schubert écrivait pour des chanteurs nuls, et donc il était obligé de tout leur indiquer, ou que tout soit cohérent, alors que quand on est en France, on n'en a pas besoin, parce qu'on a des chanteurs de salon de très grande qualité, qui ont beaucoup de métiers déjà. T'attends sur cette rive. de l'eau qui fuit, près de l'eau qui fuit, sur mon cœur brûlant de fièvre, viens te reposer, viens offrir tes douces lèvres. Quand vous dites des chanteurs de salon, ça veut dire aussi que les chanteurs de salon, vous faites tout un chapitre là-dessus, ne sont pas dans les mêmes modes de vocalisation, évidemment, que les chanteurs d'opéra. Enfin, ils ont la même formation, mais... Disons qu'on ne chante pas dans un salon comme à l'opéra. Alors, c'est une... Mais on le documente de façon plus compliquée, peut-être. On n'a pas la chance d'avoir des institutions qui produisent des archives régulières... une politique éditoriale qui va être assez cohérente et une visibilité qui fait qu'on aurait plusieurs journalistes à chaque fois pour rendre compte de la même soirée. Donc le salon est évidemment un événement un peu plus difficile d'accès, mais beaucoup d'interprètes d'opéra chantent dans les salons et on a quand même aussi toute une littérature sur le salon et ce qui s'y passe, notamment dans les salons artistiques. Et puis énormément de partitions qui parfois sont vraiment éditées, j'ai envie de dire pour les nuls, avec une surcharge d'indications par rapport à l'époque. À la même époque, dans une partition d'opéra, on n'a rien, et dans une partition pour le salon, on a des accents, des traits, des points, des nuances pour le chanteur. Donc c'est un répertoire qu'on ne peut pas mettre à l'écart, je crois, et qui permet de comprendre justement beaucoup de réflexes et de base du chant français. Est-ce qu'une mélodie de Gara dans laquelle on a peu d'indications vaut moins que du Schubert? Ce n'est pas ce que disent les contemporains. Apparemment, Gara était quelqu'un qui construisait énormément son chant en termes de registre, en termes de phrasé, en termes de rythme. Et donc, avec le squelette que nous en livre l'éditeur, lui, il faisait des choses vraiment fantastiques. Je serais tenté de dire que dans des mélodies, dans des œuvres qu'on juge mieux aujourd'hui, eh bien la partition comporte déjà beaucoup d'éléments. Mais cette démarche me mène finalement à ce que quand je fais travailler une mélodie de Léo Delibes, j'envisage que l'on varie le motif d'accompagnement, j'envisage que l'on enrichisse l'harmonie. Évidemment, il faut composer un prélude. Si l'on enchaîne, il faut un interlude, il faut une improvisation entre les pièces. C'est-à-dire que remettre les pièces dans leur contexte, plus on a une partition à trous, plus on comprend ce que l'interprète doit prendre en charge. Et finalement, il n'y a pas si loin entre les grandes paraphrases de Liszt et ce qu'on devait entendre dans certains salons artistiques à partir de romances qui ne payent pas de mine comme ça sur le papier. Thank you. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la radio parfaite. L'émission Les Nouveaux Horizons, David Christoffel reçoit aujourd'hui Pierre Giraud. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces interprétations quand on écoute nos chanteurs d'aujourd'hui ? Alors, bon, moi je considère que chercher, c'est ou rechercher, redécouvrir, retrouver peut-être des façons d'autrefois, repenser surtout le chant qui a besoin d'être modernisé, ça passe par réinventer, par recréer. Donc en tant que créateur de chant français, autant que redécouvreur, je suis amené à être frustré. La frustration, c'est quand même un très bon moteur pour avancer, pour se dire non, ça ne me convainc pas, il faut inventer autre chose, qui sera plus cohérent, qui servira mieux à la musique. Donc, je suis capable, en même temps, d'apprécier toutes les qualités d'un interprète, aujourd'hui, et de mettre quelque part, dans un coin, une liste de frustrations que je vais chercher à résoudre dans mon travail, que ce soit en archive, en cherchant des renseignements pour contredire ou peut-être infirmer une hypothèse, ou ensuite, quand je suis face à des chanteurs ou que je travaille avec eux, éventuellement que je chante moi-même, à chercher une autre solution musicale. Mais c'est le même rapport que j'ai aussi à des enregistrements anciens, d'ailleurs. On a le droit d'avoir une frustration par rapport à ce qui ne serait pas tout à fait bien ou efficace. Et puis, on peut évidemment piocher, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées de mode, des façons de chanter qui, aujourd'hui, ne sont pas le goût du public et qu'on n'a pas à réhabiliter. Ce n'est pas le goût du public aujourd'hui, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui, par exemple, aujourd'hui, n'est pas le goût du public et se trouverait, par exemple, mieux informé historiquement pour autant ? Vous voulez dire qu'est-ce qui ne plairait pas dans un chant qui serait, alors, si on était dans la reconstitution de ce qui se faisait au XIXe siècle ? C'est difficile à dire parce que je pense que c'est complètement autre chose. Ça serait perçu comme étant le chant d'un autre pays, presque. Évidemment, de ce point de vue-là, le travail qu'ont fait les médiévistes et les baroqueux est tout à fait éclairant. C'est-à-dire qu'on a déjà l'expérience de ce que essayer de faire autre chose avec un autre instrumentarium, avec éventuellement, pas vraiment une autre technique de chant, mais plutôt des chanteurs qu'on sélectionne autrement. Des voix qui sont exclues de la modernité lyrique, mais pour lesquelles on va tout d'un coup mettre un répertoire en face et se dire « Ah, ça, c'est la voix qu'il faut pour Dowland, c'est la voix qu'il faut pour Lully. » Alors, on peut voir, c'est un peu le travail que fait d'ailleurs un de mes amis, Benoît Haug, sur la manière dont la musique baroque, par exemple, s'est institutionnalisée. Aujourd'hui, ce que moi je fais un peu en précurseur pour l'enseignement du chant romantique, existe dans des conservatoires avec des cursus construits, toute une kyrielle de professeurs, et il y a même des diplômes. Des diplômes d'enseignement de la musique baroque. On en est loin pour l'instant pour le chant romantique, mais ça viendra sûrement, notamment parce qu'il y a le forte piano, ça viendra aussi des autres instruments, de la même manière que le clavecin a évidemment été assez moteur dans ce mouvement-là. Et puis les cordes, un boyau monté un peu autrement. Et puis il y a plus dangereux encore que les interprétations historiquement informées. Vous parlez des dangers de la musique historiquement déformée. Alors oui, ce que j'appelle la musique historiquement déformée, c'est au niveau de la méthode, hein, c'est de se dire je veux jouer Gluck et je veux le jouer bien, donc je pars d'une partition, je retourne complètement aux sources, je trouve le matériel d'orchestre de la création à l'Opéra de Paris et j'en fais une édition critique. Alors on obtient une partition vide, puisqu'elle s'adresse à des musiciens qui savent la jouer. Et puis, on efface même parfois certains signes dans la mise en page qui pourront être signifiants. Et on se retrouve donc face à tous les problèmes. Il faudrait avoir la culture des musiciens de l'opéra des années 1780. Alors que si on est dans le cas d'œuvres comme ça qui ont été rejouées au XIXe siècle, eh bien, il y a toute une tradition de savoir à quel moment l'orchestre part en même temps que le chanteur, à quel moment dans le récitatif on attend, qui sont de plus en plus notés dans les partitions, parce que c'était une difficulté, on en perdait un peu la tradition. Et c'est vrai qu'à la fin du XIXe siècle, on a comme ça toute une série de rééditions de partitions où il y a beaucoup plus d'informations. Et bien sûr, on ne peut pas dire que les tempi sont ceux de l'époque de Gluck. D'un autre côté, est-ce que ça a un sens de faire les tempi de l'époque de Gluck ? La tradition française, en fait, répond non. Celle du XIXe siècle répond non. Elle dit, il faut, là où il y avait un ornement, faire un ornement d'aujourd'hui, à la mode, mais qui véhiculera le même message. Elle dit de la même manière, il faut, si vous voulez, adapter le tempo au ressenti qu'on en a aujourd'hui. Si aujourd'hui on joue plus vite, il faut que les vites soient un peu plus vite. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas forcément à prendre soi-même cette position, puisque l'école française l'a déjà fait pour nous et apporte beaucoup, beaucoup de clés de comment faire fonctionner un ouvrage y compris aujourd'hui, et finalement des informations qu'on va beaucoup peiner à reconstituer à partir de sources plus anciennes. Ganz freundlich vor mir hin. Ich folg ihm nach die Kreuz und quer. Ich folg ihm nach und sieh's ihm an. Das Herz verlockt in Wanders Land. Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsenhöhen. Habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen, dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüste ein, treibt mich in die Wüste ein. Stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandle sommermaßen, ohne Ruf und zu verruh. Und ich wandle

Schiebt der Schnee mir ins Gesicht, schiebt ich ihn. Schiebt der Schnee mir ins Gesicht, schiebt ich ihn herunter. Schiebt der Schnee mir ins Gesicht, schiebt ich ihn herunter. Mein Herz im Busen spricht, sing ich hell und munter. Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Mir klagt, klagen ist für Toren. Lustig in die Welt hinein, gegen Wind und Wetter. Meine Sonnen seid ihr nie. Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Auf dem Eise wandt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm steht ihm nimmer still.